les gens de l'or en Guyane. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'espoir maintenant pour les Guyanais, beaucoup d'espoir surtout pour que la France soit enfin digne et fière de ce département. Il y a par ailleurs un grand espoir du côté de cinéma. La nouvelle formule franco-américaine de mise en valeur de Stérin Auriffet donne déjà des fruits. J'estime qu'il faut soutenir les dirigeants de cette nouvelle société qui doit nous permettre d'extraire en grande abondance l'or de la Guyane qui dort depuis très longtemps. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. On a entendu à mi-voix Léo Gontran Damas, un des inventeurs de la négritude, grand poète guyanais, défendre l'exploitation aurifère industrielle dans le département nouvellement créé. Je dis à mi-voix parce que c'est seulement pendant la brève période où il a été député, autour de 1949, que Damas a parlé ainsi. Le théâtre de l'or en Guyane, ça va être notre thème aujourd'hui. Il contient beaucoup d'actes, de bons et de rebond, et on va parler de la fin d'un de ces actes. Nous serons dans les années 1980 avec Michel Bage-Strobel. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Ethnologue, et puis elle fait aussi beaucoup d'autres métiers. Vous avez été professeur d'histoire des arts et vous êtes installé en Guyane. Quelle année était-ce ? On s'est installé en 81, de 81 à 84. Vous avez entendu, chers auditeurs, on explicitera ce « on ». C'est-à-dire... On l'explicitera tout à l'heure, Michel Bage-Strobel. Vous n'êtes pas installé sur la côte. Non. Vous êtes installé à l'intérieur. Vous dites d'ailleurs assez bien que le destin de la côte est fait d'amertume. L'intérieur est très hostile avec sa forêt impénétrable, mais les promesses qu'il contenait se sont peut-être plus réalisées que celles de la côte. En effet, la Guyane, je crois qu'on peut le dire, est un pays clivé, qui a été clivé. Même la côte a été clivée entre la zone est et la zone ouest. Mais c'est surtout l'intérieur et le littoral qui sont d'une très grande différence. D'abord, tout l'intérieur est immense. La Guyane a environ 90 000 km². La côte fait environ 20 000 km². Donc imaginez cet intérieur immense qui a été très longtemps le hinterland, mais qui est devenu le territoire de l'Inini, c'est-à-dire une zone coloniale de réserve entre 1930 et 1969. Et donc en fait, aujourd'hui, en 2019, les 50 ans de ce territoire, de la fin du territoire de l'Inini, qui a donné naissance aux cinq communes de l'intérieur. Dont celle où vous allez vous installer, Marie Passoula, dont le fondateur, qui a été préfet avant d'être sénateur du département de la Guyane, était interrogé ici. C'est Robert Vignon, sur lequel vous aurez beaucoup à dire. Alors, on est sur le fleuve Maroni. En face, il y a le Suriname, très au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai choisi ce site qui est particulièrement agréable, comme vous pouvez le constater, qui n'est jamais inondé, qui est très sain, avec un Guyanais prématurément disparu, Monsieur Maurice Bougis. Nous avons choisi ce site ensemble pour apporter aux populations un minimum de structures socio-administratives. Il n'était pas question de coller à la population qui est une population nomade, qui se déplace, les agriculteurs au gré de leurs abattis, les mineurs au gré de leurs trouvailles. Par conséquent, il fallait trouver un point de passage obligé où vous puissiez venir facilement et où vous puissiez rayonner facilement. Il fallait également faire une base de départ pour la mise en valeur et l'exploration de l'intérieur qui à l'époque était inconnue. C'est pourquoi j'ai créé Marie Passoula, où j'ai installé par ordre d'importance un prêtre, un docteur et un instituteur. Et autour de ce petit noyau, de cette trilogie, des mineurs, lassés d'une quête infructueuse de l'or, sont venus s'installer et ont formé le village que vous voyez aujourd'hui. Alors, Les gens de l'or, on va y venir dans un instant. C'est le thème de du très beau livre que vous aviez publié il y a 20 ans, qui connaît une nouvelle édition aujourd'hui dans la très célèbre collection Terre Humaine chez Plomb. Mais on va avoir l'explication du « on » que vous prononciez tout à l'heure. Oui. Alors, dans l'ordre d'importance, le prêtre. Vous ne pouvez pas être la femme du prêtre. En numéro 2. Le médecin. Et vous êtes madame docteur. Je suis madame docteur, c'est-à-dire Dataouman pour les marrons et madame docta pour les créoles. Et c'est parfait ce message de monsieur Vignon qu'on appelait le grand Mambaka. Il a écrit grand Mambaka, ça veut dire le chef coutumier des blancs. Baka, ça veut dire le blanc. Et Vignon a écrit ses mémoires, qui ont été publiés d'ailleurs, mais bon, je crois qu'on ne les trouve plus. Il est resté très célèbre sur l'INENI, et ce qu'il dit, c'est exactement, c'est sa vérité. Marie Passoula était d'abord un simple poste de douane pour gérer tout le flux des orpailleurs qui descendaient de l'INENI. L'embouchure de l'INENI se situe à environ une demi-heure de canot depuis Marie Passoula. Et là, on contrôlait tous ceux qui descendaient des placères, du Grand INENI, Petit INENI, Laoua, tous ces fleuves, pour les taxer. Et à partir de là, il a choisi Marie Passoula comme centre administratif. Les Amérindiens viennent, à l'époque très brièvement, mais vos principaux acteurs, ce sont les marrons qui contrôlent le travail du fleuve. Hein, oui, alors. Et les orpailleurs qui sont des créoles. Alors, c'est Vignon qui est monté. Madame Philomène Olympe, dans le bouquin, c'est raconte. C'est une de vos héroïnes. Il y a beaucoup de récits. Héroïne, et des photos de votre copine Philomène. Philomène, oui. Alors, elle nous raconte la fondation de Marie Passoula. Vignon est monté à Dorlin. Gougis, dont Vignon parle, Maurice Gougis, était un concessionnaire du grand placer Gougis de Dorlin. Et il montait dans toutes ces criques, c'est-à-dire les petits ruisseaux, là où il y avait des dégrades, des débarcadères et des petits emplacements pour les orpailleurs. Et il leur disait, venez, descendez en ville, ne restez pas là, la vie, c'est trop dur pour vous, on va vous soigner, vous allez avoir un hôpital, Et tous ces gens ont commencé, enfin, Philomène le raconte très bien, ils remplissent leurs canaux de toutes leurs affaires, ils veulent faire de l'agriculture, ils veulent faire de l'élevage, enfin, tout ça, c'est une nouvelle vie qui commence. Ils se disent, c'est formidable. Et ils s'installent donc dans le village petit à petit. Il a commencé par ils ont construit eux-mêmes le village. Notamment la maison du docteur, le premier médecin, le docteur Billard. Mais vous avez envie d'aller les rejoindre, les orpailleurs, oui. Les artisans, oui. Les derniers artisans, oui. Là où ils travaillent. Il vous faut 6 mois quoi, pour que la proposition vous soit faite. Ah, c'est-à-dire que j'ai pris le temps. On ne va pas comme ça rentrer chez les gens en leur disant « je veux savoir comment vous cherchez de l'or et qu'est-ce que c'est que l'or pour vous ». Il faut d'abord tourner autour du pot. Et tourner autour du pot, c'est d'abord s'occuper de la cuisine, comment vous faites ceci, comment vous faites cela. Mais il est important de comprendre que Marie Passoula a été un village de regroupement pour des gens, pour les perdants de l'or, pour ceux qui n'en font pratiquement plus. Ceux qui vivotent, ceux qui sont un peu malades, donc ils reviennent, ils se cantonnent dans ce village pour être un peu en communauté. Des hommes, des femmes, mais pas d'enfants, parce que les enfants vont vers la côte. On va entendre l'un d'eux, que vous avez peut-être connu. Il est enregistré bien après votre départ, en 1992, il a à l'époque 84 ans, et il a dû être de ceux qui ont été rapatriés à Marie Passoula. Il s'appelle Monsieur Joseph, c'est un extrait de l'émission L'échappée belle à France Culture. Monsieur Joseph, vous avez 84 ans à peu près, oui. Et vous travaillez toujours là. Toujours, mm-hmm. Oui, travaille toujours. Quand vous êtes arrivé à Marie Passoula, qu'est-ce qu'il y avait ici? C'est seulement des habitants Saint-Luciens qui étaient ici, à Marie Passoula. Alors pourquoi est-ce que les Saint-Luciens viennent ici en grand nombre comme ça? Pour travailler les mines d'or. Donc on venait ici pour chercher la fortune? Oui, pour chercher la fortune, travailler. Alors, est-ce que vous avez trouvé la fortune? Non, pas encore. Non, pas encore. Et est-ce que vous trouvez de l'or encore aujourd'hui? Oui, on a toujours. Oui, c'est vous dites. C'est chance qui a compté raison. Oui. Alors l'or, on le cherche dans l'eau, dans les rivières, oui, oui, c'est oui, ça, oui. Dans les criques. En criques là. Alors qu'on fait un trou, l'on fait tout. On fait un trou, et on lave la terre dans la battée, on tourne la battée pour trouver les paillettes. Mais pour ça, il faut bien connaître. Est-ce que vous avez déjà trouvé des grosses pépites? Oui, Nico. Oui, Nico. Vous y allez? Oui, Nico. 31 grammes. 31 grammes. Oui. Ça, moi, j'ai trouvé. Moi-même, hein. Oui. En chantier, moi. 31 grammes. Et vous avez vendu la pépite ou vous avez gardé pour vous? Ça, regardez, parfois, on est obligé de vendre. Elle se donne. Oui, parfois, on est obligé de vendre. Avant, l'or ne nous faisait pas vivre. C'était la misère. Alors même si vous aviez une pépite de 500 grammes, il fallait la vendre. Vous aimez ça, chercher l'or. C'est votre plaisir. Oui, ça, c'est tout plaisir, moi, c'est ça. Travail l'or. Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous décrivez les derniers orpailleurs, Michel Bage-Strobel, comme ceux qui exercent cette activité pour elle-même, au fond, sans autre but que son exercice, son accomplissement, sans oui. Plus de but financier. Absolument, tout à fait. C'est entré dans leur vie, c'est une habitude. Mais disons, dans le village, ils ont un abattis. Ils vont soit à l'abattis, soit sur le chantier. Et j'avoue que je les ai beaucoup incités à retourner sur le chantier. On a dit tout à l'heure que j'ai mis bien 6 mois à les accompagner. Et j'ai été vraiment très, très impressionnée par le premier chantier que je visite. C'était deux partenaires, peut-être c'était même Monsieur Joseph. Je l'appelle Avitis, cet homme qui vient de parler. J'ai reconnu sa voix. Eh bien, il travaille dans la boue. Ils travaillent en rigolant, ils travaillent en s'amusant. Ils ont des instruments archaïques, rudimentaires. On trouve sur les planches du Moyen-Âge, les chercheurs d'or médiévaux, ils ont exactement ce même type d'instrument. Donc c'est bien pour vous expliquer que c'est un monde totalement dépassé, terminé. Il a parlé de Sainte-Lucie. Alors, oui. Pour la plupart, ils viennent de Sainte-Lucie, c'est-à-dire oui. Qu'ils viennent des îles. C'est-à-dire qu'avant d'avoir connu la servitude des îles, ils avaient connu... leurs ancêtres, la déportation d'Afrique. Absolument. Et que l'orpaillage, alors ce serait presque une activité libératrice? Absolument, c'est exactement cela. Pourquoi ceux de Sainte-Lucie? Parce qu'il y avait des recruteurs qui partaient de Guyane et qui allaient chercher de la main-d'œuvre. Il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre en Guyane même, sur le littoral. Bien sûr, beaucoup de chercheurs d'or étaient aussi guyanais, mais ils se sont vite convertis au commerce. Parce que vivre dans les bois sans vivre, justement, c'était impossible. Donc il fallait qu'il y ait un magasin. Et Gougis, dont on a parlé tout à l'heure, était très célèbre pour ses magasins. Donc les Saint-Luciens ont quitté leur île parce qu'ils voyaient la misère. Ils disaient d'ailleurs « sosso misère ». C'est-à-dire, ils étaient malheureux, il n'y avait pas de boulot, il fallait partir. Et surtout, leur père et leur grand-père étaient partis déjà en Guyane. Et quand ils rentraient avec une redingote noire et un chapeau noir, riches, avec, ils pouvaient s'acheter de la terre, ils pouvaient s'acheter des animaux, etc. Donc, allons-y. Alors, les jeunes aussi y sont allés. Dites-moi, vous étiez à l'aise d'emblée avec le créole, du moins avec le créole de Sainte-Lucie. Oui. Au point... d'arriver à le lire oui. Devant ceux qui pensaient que c'était une langue seulement orale. Mais bien sûr, c'est-à-dire que je l'écrivais à ma façon, parce qu'on peut écrire le créole. Et quand je leur écrivais un petit mot pour envoyer un message et tout ça, ils me disaient « Mais dans quelle langue tu nous écris ?» J'ai dit « Mais c'est votre créole que j'écris !» Il dit « Mais on ne sait lire que l'anglais !» Parce qu'il faut être doué hein, pour non, c'est... avoir la confiance des orpailleurs. Si, oui. Si, il faut savoir oui. Faire la cuisine. Ah oui, encore oui. Que le feu, vous avez du mal à l'entretenir. C'est eux, ouais. C'est eux qui font ça. Arriver en pirogue, ça vous avez du mal aussi sur les pirogues Au début, j'ai eu du mal, toute seule. Et alors, quand vous avez été invité à danser la mazurka par des orpailleurs, alors très propres sur eux, qui avaient repassé leur chemise blanche, vous n'étiez pas à l'aise non plus Non, surtout que la mazurka, ça me résonne polonais. Mon père est polonais et je ne savais pas danser. Et il me prend dans ses bras et il m'entraîne là dans un truc. J'ai compris que j'allais travailler là-dessus, quoi. Alors, vous avez demandé Stelio. Oui. Nous sommes avec lui dans les années d'avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le créateur de la Begin à Paris. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les gens de l'or en Guyane, sous ce titre, Michel Bache-Strobel donne une nouvelle édition de son livre dans la collection Terre humaine. Dans les années 1990, elle a quitté la Guyane et tout a changé. Ils ont continué à travailler de petits chantiers à gauche, à droite. Ils ont vivoté, ils ont réussi à survivre. Voilà. Puis il y a eu l'arrivée des multinationales qui a fait... disons, qui a fait tout sauter, quoi. Eux, ils sont arrivés avec des atouts, quoi. Ils savaient où aller. Dis-moi les noms des sites. Ah ben, il y a, par exemple, Repentir, qui travaille. Repentir. Espérance. Espérance. Il y a Chantal. Chantal, ouais, c'est une grande. Il y a Maraudeur, c'était des équipes de... Des bandits, quoi. Des bandits qui venaient... Une fois que les autres... Et ils piquaient la production. Anciens, nouveaux sites, légaux, illégaux. Le nom de Maraudeur, ça évoque quelque chose pour ah vous? Ah oui, bien sûr. C'était une étape importante dans ma quête. Je leur expliquais d'ailleurs que je cherchais à comprendre pourquoi ils cherchaient l'or, comment ils le cherchaient et quel était le but de cette quête. Et eux me disaient, mais toi aussi tu cherches, qu'est-ce que tu cherches avec nous? Et je me trouvais à Maraudeur, c'est assez loin de Maripasoula, il nous a bien fallu toute une journée de canotage. Il faut emporter des vivres pour au moins 15 jours. Nous étions à 4 partenaires, 2 haïtiens, le maître du chantier. Et à Maraudeur, j'ai vu un disque de Stelio, figurez-vous. Parce que le dimanche, on ne travaille pas dans le fond. Sur le chantier, on peut se promener. Et je me suis promenée, il y a même un cimetière à Maraudeur. Et j'ai découvert une case complètement abandonnée et recouverte de végétation. J'avais un sabre à la main, je me suis aventurée, je suis rentrée dans la case. J'ai vu un meuble de cuisine. J'ai senti que quelqu'un a quitté ça très très vite, comme pour fuir à toute vitesse. Et j'ai senti que c'était une femme qui habitait là, elle avait décoré sa maison. Et dans un coin, je trouve des disques. Et il y avait des disques de Stelio, dont avec peut-être la mazouk, mais surtout de l'exposition coloniale de 31. Ça m'a fait un grand choc. Et en retrouvant mon partenaire, je lui dis « Mais qui habitait dans cette maison ?»« Ah, mais tu sais pas, c'est Mangeanne qui habitait là. » Et Mangeanne, c'est une dame qu'on connaissait très bien dans le village. Elle... Ils sont partis, ils sont sous la terre maintenant, de nouveau venus, des exploitations transformées, plus industrielles. Et puisque proposition vous a été faite de donner une nouvelle édition d'un livre qui était paru il y a 20 ans chez Ibis Rouge en Guyane, maintenant c'est chez Terre Humaine, chez Plomb, vous êtes retourné à Maripasoula au début de cette année. Oui. Alors d'abord, il n'y a plus le fromager. C'est le grand arbre. Ah oui, il n'y a plus le fromager. Qui indiquait l'emplacement de la ville. C'est une ville maintenant. C'est une ville, oui. Marie Passoula est devenue une véritable ville. Quand nous y étions, il y avait peut-être 600 habitants. C'est une très grande commune, qui a quelque chose comme 18 000 km carrés. C'est immense. Et il y avait environ 600 personnes, peut-être 800 en comptant tous les Indiens du Litanide, c'est-à-dire en amont. Il y avait quelques marrons à ce moment-là, dans les hauteurs du village, mais surtout des créoles, dans la savane, dans la partie basse du village. Et aujourd'hui, c'est une ville avec une médiathèque, une poste... Une gendarmerie. Une gendarmerie, bien sûr, qui fait des missions contre les orpailleurs illégaux. Bien sûr. Les missions Anaconda et... Harpie. Harpie. Enfin, des trucs dont vous dites que c'est spectaculaire et puis qu'après, les orpailleurs clandestins reviennent. Et alors, vous êtes allé de l'autre côté du Maroni, du côté Suriname? Oui, bien sûr. Surtout, alors, c'est ça, c'est très étonnant. Quand nous y habitions, il y avait un rideau de forêt, la forêt dense, juste en face. D'ailleurs, de notre maison, on voyait très bien la boucle du fleuve avec des espèces de grands rideaux végétaux extraordinaires qui annoncent aussi la pluie du soir vers 5 heures. Et aujourd'hui, tout cela est démoli, enfin, il n'y a plus de forêt. Il y a des maisons sur pilotis, il y a toutes sortes de magasins, de commerces interlopes, des gens, des Chinois, des Surinamiens, des Brésiliens, on parle toutes les langues. Des bazars. Des bordels, bien sûr. On peut acheter tout ce que l'on veut. Et il y a, les gens font l'aller et venu d'une rive à l'autre. D'ailleurs, un fleuve ne peut pas être une véritable frontière, c'est une sorte de passoire pour toutes sortes de trafics. Il n'y a presque plus de créoles, dites-vous. À Marie Passoula, de Sainte-Lucie, il n'y en a plus que deux. Mais il y a des descendants de ces créoles, bien sûr. Il y a encore une petite communauté créole. Mais les marrons sont bien plus nombreux. Oui. On les appelle aussi Bushinengue, du côté du Suriname. Voilà le témoignage de l'un d'eux au micro de Raphaël Kraft. C'était dans l'émission d'Alexandre Hérault sur France Inter en 2011. On peut le dire comme ça que la place est prise par les créoles, tout ça, qui dirigent, qui gèrent pour l'instant. Ça fait des années que ça dure comme ça parce que nous, on n'avait pas compris comme quoi qu'il faut, dès le départ, il fallait s'intégrer, il fallait rentrer dans la politique. On a toujours vécu à part, qui veut dire, on peut le dire à part, mais faut qu'on dépasse cela, quoi. Faut qu'on arrive à obtenir des postes plus hauts pour pouvoir défendre nos beefsteaks. Mais une fois qu'on prendra la place, on va se mettre d'accord, avoir des élus Bushinengue qui vont se mettre aux affaires. Donc ça va améliorer les choses. Alors les créoles auraient encore le pouvoir, les Bushinengue, les marrons pourraient-ils le prendre encore? Faut-il qu'ils soient éligibles? Richard Price, ethnologue basé aux Antilles et en Guyane. Bon, c'est assez compliqué. Les personnes qui parlent là, ce sont des Aloukou, des Boni, ils sont français. C'est pour ça qu'ils peuvent être dans le conseil régional, le conseil général, etc., être meilleurs. De communes en Guyane, en France, quoi. Mais pour les Saramaka et les Duka et les autres, les Pamaka, qui sont en Guyane, la grande partie sont sans papier français. Alors, ils vivent dans la clandestinité. Ils envoient leurs enfants à l'école, ils utilisent les hôpitaux, etc. Mais ils vivent dans la peur des gendarmes, de l'expulsion, ils sont souvent expulsés et puis ils reviennent le lendemain parce que c'est pas difficile de traverser le fleuve. Mais pour eux, c'est plus difficile. C'est un discours, je trouve, un peu optimiste de parler des Bushinengue comme s'ils étaient tous la même chose. Je tenais à vous faire entendre Richard Price parce que c'est une référence pour vous. Puis il a donné à votre livre une fort belle préface. Oui, bien sûr, Richard Price est un ami. C'était mon premier correcteur pour mon travail. Mais vous savez que tous les maires du Maroni sont des marrons aujourd'hui. Et le maire de Marie Passoula, Serge Anelli, est un marron, tout son conseil est marron. Et toutes les villes de tout le fleuve Marron et à des mairies de Marron. Sauf Saint-Laurent, mais ça ne va pas tarder. Les Marrons, ce sont des esclaves qui ont fui et qui se sont enfoncés depuis les plantations jusque dans les forêts. Les clandestins d'aujourd'hui, il y en a peut-être 10 000 en Guyane française. Ils travaillent sur 500, 600 chantiers illégaux d'orpaillage. Oui, oui, je ne sais pas. Personne, je non, ne sais personne pas. Ne le sait. Je crois que les gens du parc amazonien de Guyane connaissent peut-être mieux la situation. Je sais que Madame Taubira a fait un rapport en 2000 au Premier ministre, c'était Monsieur Lionel Jospin. Elle a fait une longue enquête sur tout leur paillage clandestin, etc. Et cette enquête a été publiée dans la documentation française. Elle est très très bien documentée. Mais elle a été une des rares élues, et elle n'est plus élue, de Guyane à ne pas défendre l'idée de l'exploitation aurifère industrielle qui éviterait leur paillage clandestin. Vous avez entendu peut-être, souvenez-vous, en exergue de l'émission, oui. Léon Gontran Damas, qui oui. Quand il était poète, était contre l'exploitation aurifère, mais quand il était élu, il était pour. Ah oui, alors cette citation de Damas d'entrée de jeu, ça m'a beaucoup surpris, parce que ce que j'ai lu de Damas dans son ouvrage qui s'appelle « Retour de Guyane », c'est tout à fait le contraire. En 1938, il dit, par exemple, je dénonce l'attitude du gouvernement qui a précédé les grandes catastrophes que l'on désigne par la ruée vers l'or. On n'y pense jamais au départ et le mirage de l'or opère périodiquement son anesthésie en dépit des leçons précédentes. Il était fondamentalement contre. L'exploitation aurifère à grande échelle. Oui, mais à petite échelle. Elle est à petite échelle à certains égards aujourd'hui. 5 à 10 tonnes d'or illégal pour 1 à 2 tonnes d'or légal. Eh oui. C'est alors, terrible. On vous a parlé là-bas des conséquences du lavage des sols. Il y a déjà beaucoup de mercure dans la terre guyanaise et du coup, oui. Le lavage des sols le révèle. C'est affreux, oui. Je sais, le mercure est interdit aujourd'hui, mais il continue à servir à l'amalgamage de l'or, de toute façon. En plus, il sert à l'amalgamage. Oui. Il sert à l'amalgamage, mais de plus en plus, on se dirige vers des exploitations peut-être industrielles qui sont prévues. Vous voyez, vous y venez, vous aussi. Ben oui, on y vient parce que on en parle. Aux dernières nouvelles, tout est suspendu. Oui, c'était le projet de la Montagne d'Or, au nord de Mariplaçoula, au sud de Saint-Laurent-du-Maroni. C'est un projet d'industrie minière à grande échelle, exploité par une société russe et canadienne. Mais il y a énormément d'opposants à ce projet. Et le président Macron en est devenu un, après en avoir été partisan. Ah oui, c'est ça. Je renvoie à vos Jean de l'Or, très beau livre, Michel Bage-Strobel. C'est aux éditions Plomb, dans la collection Terre humaine. Et puis, ce qu'on parle d'orpailleur, je l'ai dédié cette émission à un orpailleur breton. Ah oui. Dépenaillé, qu'on enterre à cette heure précise et qui trouvait dans la fange l'or. Il s'appelle Jean Kergrist et je voulais lui rendre hommage. Cette émission a été réalisée par Étienne Bertin avec Rémi Sistiaga à la technique et la préparation Aurore Juvenel et Elinka Negulesco.